Parfait, Eliman. Visage souriant avec Yurieur. Récapitulatif de ce qui a été accompli aujourd'hui Coche épaisse blanche chapitre 1.1, naissance et enfance, 1974 à 1993, 20 pages complètes Contexte historique de Thiès. Portrait du père Mamadou Sonko, double radiation. Héritage du grand-père Arfan Bessir Sonko, chef de canton colonial. Rôle de la mère Mam Kadi Ngom. Enfance à Sebi Kotan. Adolescence en Casamance pendant la guerre, 1980 à 1993. Coche épaisse blanche chapitre 1.2, parcours scolaire et académique, 1993 à 2003, 25 pages complètes Université Gaston Berger de Saint-Louis. Maîtrise en droit public, 1999. École nationale d'administration, 1999 à 2001. DEA en finances publiques et fiscalité, 2003. Master 2 et doctorat à Lyon 3. Total, 45 plus pages de contenu de très haute qualité, documenté, contextualisé et captivant livre ouvert étincelle. Bientôt avec flèche droite au-dessus pour demain vous m'enverrez le travail des autres IA Mistral, Gemini, etc. 2. Je comparerai les approches et identifierai les angles manquants. 3. J'enrichirai les chapitres si nécessaire. 4. Nous continuerons avec le chapitre 2 carrière dans l'administration fiscale, 2001 à 2016. Ampoule électrique petit conseil pour ce soir Si vous avez le temps, relisez les deux chapitres dans l'artefact pour repérer d'éventuelles sections à développer davantage. Identifiez des angles que vous aimeriez voir approfondis. Notez des questions ou des précisions à apporter. Cela nous permettra d'être encore plus efficaces demain. Excellente nuit, Eliman. Reposez-vous bien. Demain, nous continuons cette aventure extraordinaire, croissant de l'une livre étincelle. À demain, fusée.